Je dors bien sur mon lit, dorme mal par terre. J'ai encore faim, je me nourris, mort de la poussière. Je fais rien de ma vie et j'en serais presque fier. J'ose me plaindre de ma vie pendant que d'autres sont en guerre. J'allais au lycée seulement pour toucher la bourse et les thunes. Débourser tout pour payer toutes leurs études. Font tout vraiment tout, mais ils ne s'en sortaient. Je me plains de ne rien avoir, je n'ai peut-être rien tenté. Je m'énerve quand je ne trouve pas mes lunettes. Sont atteintes de cécité. Je m'énerve quand il y a coupure internet. Non, toujours pas l'électricité. Je suis là, en train de vivre. Ils ne sont plus là, ou bien survivre. Je sais ce qui se passe ailleurs, et j'en suis dingue. Je sais ce qui se passe ailleurs et j'ose me plaindre. Les portables, les Macs, les consoles. L'export d'armes, le crack et l'anisole. Les jetables, les hacks et le gazole. Les gendarmes, les matraques nous isolent. Les vêtements de marque, de luxe et la mode. Les parkings, parcs, les voitures, le pétrole. Les produits de beauté, le maquillage et l'alcool. Tellement de produits qui classent et divisent l'homme. Tu sais ce qui se passe ailleurs et tous te plaindre. Tu sais ce qui se passe ailleurs et tous te plaindre. Tu sais ce qui se passe ailleurs et tous te plaindre. Tu sais ce qui se passe ailleurs et tous te plaindre. Tu sais ce qui se passe ailleurs et tous te plaindre. Tu sais ce qui se passe ailleurs et tous te plaindre. Tu sais ce qui se passe ailleurs et tous te plaindre.